neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistrolapinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Bistrolapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistrolapinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bonsoir et bienvenue à notre première émission de la Distrolapinothèque 2023. Alors pour ce 25 janvier de cette année, on vous propose exceptionnellement une rediffusion. Cette rediffusion, vous entendrez le programme donc dans quelques instants, parce que avant ça, les lapins vous souhaitent une excellente année 2023. Une année 2023 sans confinement, sous le soleil et surtout dans les luttes qui reprennent à toute berzingue. On ne dormait pas, non. On lisait. On lisait sous la couette et on se préparait à ce qui arrive. Enfin, quelque chose qui va libérer les fleurs, remettre les petits hommes à leur place pour qu'ils prennent leur place, mais enfin, rien que leur place. Et nous, cette année, on va prendre notre place au DECA. Nous déménageons à la fin de ce mois de janvier. Et nous laissons derrière nous le Zottemorgen qui remet lui-même ses clés après avoir prolongé l'aventure d'Akrata pendant presque 2 ans. Et ben nous, la Distrolapinothèque, on va au DECA. Alors le DECA est un lieu généreux d'accueil, de rencontres, de culture, de politique, de solidarité et d'utopie concrète, comme ils et elles le disent, et aussi comme nous l'entendons. C'est un lieu qu'ils et elles définissent comme une quincaillerie des temps présents, avec les outils à imaginer, à mettre en commun pour réparer et transformer ce qui doit l'être. Un espace de convergence concrète entre les dynamiques syndicales, associatives et citoyennes. Un laboratoire du futur qui s'inscrit dans une tradition, celle des maisons du peuple. Ah oui! Tentons de converger ensemble, pour un temps ou pour longtemps, ça nous verrons bien. Mais à partir du mois de février, vous pourrez donc nous retrouver au sous-sol de ce lieu qui nous ouvre les portes et où nous proposerons des permanences dont les dates sont à définir. Ce sera au Septentrion du Danemark, à 1060 Bruxelles, donc c'est à Saint-Gilles, tout près de la place Bethléem. Donc nous serons là, mais nous serons aussi et encore lors de vos concerts et conférences diverses et variées où vous n'hésiterez pas à nous convier. Toujours anti-autoritaire, anti-capitaliste, en soutien aux luttes sociales, imprégné d'une ou deux gouttes d'anarchie bien corsée. Voici donc la rediffusion pour ce 25 janvier 2023, de l'émission du mercredi 25 novembre 2020, il y a donc 2 ans. Et nous étions en compagnie de William Reich, de Nit Édition, avec Te plains pas, c'est pas l'usine, de brochures féministes et d'un petit cidre de feu qui vous sera proposé en fin d'émission. Alors santé déjà. Cette rediffusion le sera également ce vendredi à 21h, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée sur Radio Air Libre 87.7. Bienvenue sur la Distrolapinothèque de ce mercredi 25 décembre. Alors vous êtes bien sur Radio Air Libre dans l'émission Tranche d'Anard et Distrolapinothèque. Alors, à la technique ce soir, on a Serge. Coucou. Salut Serge. Salut. Alors, au programme de ce soir, on aura